la peau. Va dire que c'est pas mien, c'est dans le monde. Oum, j'ai dit, jusqu'à Donald. Il y a des...